qui semer l'amour et puis donner la vie. Enfant de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. C'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée pour sortir. Enfants de tout pays, bonjour. Vous êtes bien sur Radio Pagette Nancy 94.2. Yves à la technique. Et puis, il devait faire sa dernière émission la semaine dernière. Il en a redemandé. C'est Antoine qui est encore aux commandes aujourd'hui. Merci Antoine, bravo. Daniel en votre compagnie pour vous présenter Patchwork à l'écoute des musiques du monde. La programmation d'aujourd'hui comprend du zouk antillais, comme toujours. Un voyage musical au Cap-Vert. Trois coups de chapeau à Césaria Évora, ben c'est la chanteuse du Cap-Vert, hein, et une promenade autour du mot vert, vous savez, la couleur verte. Allez, premier coup de chapeau à Césaria Évora. Césaria Évora, elle est née en 1941 et elle nous a quittés, eh oui, il y a quand même déjà 8 ans, en 2011. Ben, c'est une chanteuse de Morna Coladaira, capverdienne. Son surnom, la diva aux pieds nus, elle le dut à son habitude de se produire pieds nus sur scène. De sa voix rock, elle a popularisé la norma, musique du Cap-Vert, auprès du grand public mondial, une carrière de 54 années, Maria Elena Césaria Évora. Corazón, oh sol de mi querer, mover de mi ilusión, mi amor te consagré, mi vida la envié, sea una esperanza azul. Mi vida tiene un cielo que le diste tú. Tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer. Tuyo es todo mi cielo, tuyo es mujer. Eres mi fe, eres mi Dios, eres mi amor. De mi querer, tuyo es todo mi cielo, tuyo es mi mujer, y a todo el corazón yo le entregué, eres mi fe. Eres mi Dios, eres mi amor, y a todo el corazón yo le entregué, eres mi fe, eres mi Dios, eres. Le Cap-Vert est un état insulaire composé d'un archipel de 10 îles principales volcaniques, et puis il y a plusieurs îlots également. Situé dans l'océan Atlantique, au large de la côte nord-ouest de l'Afrique, le Cap-Vert est réputé pour sa culture créole afro-portugaise. Situé à 800 km des côtes du Sénégal, sa population est de 500 000 habitants. Les villes les plus importantes sont Praia, la capitale, avec 130 000 habitants, Mandelo, 70 000, Santa Maria, 30 000, et Assomada, 12 500. Allez, une chanson capverdienne, Onaya Loura. Sova était un professeur de mathématiques. Vous savez, il chantait « Le professeur est un rêveur, j'écris « Je t'aime » sur le tableau ». Alors, ce professeur de mathématiques qui était rêveur aurait-il écrit au tableau noir les vers suivants ? « J'aime quand tu viens dîner chez moi, c'est toujours la première fois, j'avais sans arrêt à la fenêtre, j'ai laissé la porte ouverte. J'aime quand tu as mis ta robe verte. Voilà, c'est le premier titre de cette balade en chanson autour de la couleur verte, la robe verte Bernard Sauvat. C'est toujours la première fois. Je vais sans arrêt à la fenêtre. J'ai laissé en bas la porte ouverte. J'aime, tu as mis ta robe verte. Nous allons si bien ensemble. J'aime quand tu veux rester la nuit. J'aime quand tu te mets dans mon lit. J'aime quand tu me prends toute la place. J'aime, tu te réveilles et tu m'embrasses. Ta robe verte. J'aime et j'espère que jamais tu ne changeras. Un jour je te dirai, veux-tu vivre avec moi pour toujours? Nous allons si bien ensemble. Nous allons si bien ensemble. Deuxième coup de chapeau à Cesaria Evora. Cesaria Evora était née en 1941 dans une famille pauvre de 7 enfants. Le père était guitariste et violoniste et la mère était cuisinière. Et le père décéda alors que Cesaria était âgée de 7 ans et celle-ci était alors placée dans un orphelinat où elle intégrait la chorale et apprit à chanter. À 16 ans, elle chantait dans les bars avec d'autres musiciens et c'est à 20 ans qu'elle réalisa ses premiers enregistrements. Lors de l'indépendance du Cap-Vert, c'était en 1975, le parti africain instaura une politique qui entraînait de nombreuses fermetures de bars et de cafés, et Cesaria, qui se produisait dans ces bars et ces cafés, vit ses revenus baisser et décida de mettre un terme à sa carrière. Elle reviendra en 1987 avec son album « La Diva aux pieds nus » qui contient une coladeira, faut que je m'y fasse, coladeira, aux accents de zouk, Bia Luluccia, qui devint un tube dans la communauté capverdienne, Bia Luluccia, Cesaria Evora. Tá vai, tá vai, tá vai, fogue brava. t'ha passat per mi bé, t'ha ficat a llorar. Nina, veny a consonança, veny a perdició, veny a cosinha fofa. Nina, veny a consonança, veny a perdició, veny a cosinha fofa. Découvre les curiosités du Cap-Vert en allant d'île en île, chacune ayant ses spécificités touristiques. Bon, vous avez 2 minutes, eh ben, on va passer en vue. L'île de Boa Vista, alors de belles plages de sable blanc et une eau turquoise, des dunes ainsi que des oasis avec dattiers et palmiers. Mais attention, prudence sur les plages du Nord, elles sont entourées de récifs. Cela signifie donc des plages dangereuses et par voie de conséquence peu fréquentées. L'île de Brava, l'une des îles les plus vertes de l'archipel, c'est l'île aux fleurs, entre les montagnes et les falaises. l'île de Fogo, un volcan dont la dernière éruption remonte à 1995, une culture afro-européenne où l'on produit vin et café. L'île de Sal, elle doit son nom aux mines de sel, donc des salines, des plages de sable blanc, des eaux transparentes aux récifs coralliens, site idéal pour les sports nautiques. Il y a l'île de Santiago, la plus grande et la plus africaine des îles capverdiennes, et son patrimoine culturel et son paysage, entre baies et criques, on y cultive le maïs, la canne à sucre, les bananes, les mangues et le café. Il y a l'île de Santo Antão, c'est une île dominée par de hautes montagnes, entre paysages arides, ravins et vallées. Le grog à l'île de Santao, le grog y est réputé, et on ne chopera pas à l'odeur du rhum. Alors le grog, c'est le rhum du Cap-Vert. L'île de São Nicolau, des paysages accidentés et ruraux, c'est une terre de légendes et de mystères sur fond d'architecture coloniale. L'île de São Vicente, berceau des musiques typiques capverdiennes avec la mona et la coladaira. Axé sur le tourisme, les voyageurs y apprécient les nombreux plats du pays à base de fruits de mer. Allez, chanson capverdienne, Nas Gente Bius. Taverna, beijo, mato gente na luta pra vida. Tens morra beza, Deus queira, certeza, um dia nota vai te abrir. Shut assim, ai, ai, ai. Botava de quentinho, ai, ai, ai. Na madeira assim, ai, ai, ai, ai. Botava assim, ai, ai, ai. Botava de quentinho, ai, ai, ai. Na madeira assim, ai, ai, ai, ai. Nota passa sabor, nota brinca sabor. Nota passa sal, amor e amizade. Nota passa sabor, nota brinca sabor. Nota passa sal, amor e amizade. Chua, chua. Le Larron. Ah, j'ai pas dit le Luron, j'ai bien dit le Larron. C'est un chanteur ? Bah non, pas vraiment, mais enfin, cela dit, quelquefois, le hasard fait bien les choses. Non, c'est un musicien, auteur et compositeur, et il a aussi monté un studio et produit des publicités. Alors, quelques chansons enregistrées rapidement sont tombées dans l'oreille d'un distributeur passionné qui a souhaité les commercialiser, ces chansons-là. Et voilà comment elles se retrouvent avec un disque dans les bacs sans avoir jamais pris le micro. Depuis, le Larron a reçu de nombreuses récompenses, tenez-vous bien, prix Sassam, prix Jacques Brel, sélection à l'Académie Charles Cros, prix France Bleu, dans la balade sur la couleur verte, tes yeux verts, le Larron Lisa Portelli. Mes yeux rougis qui espèrent juste un sourire comme un retour en arrière. Mais tes yeux glacent, mes yeux qui brûlent comme la mer. Je pleure et tu t'ennuies. Je pleure et tu t'ennuies. Je pleure et tu t'ennuies. Tu pleures et je m'ennuie. Mes yeux verts dans tes yeux gris, trop amers. Rien ne dit mais tout est vu, plus rien à faire. Tes yeux sont vides et tes yeux remplis comme la mer. Je pleure et je m'ennuie. Tu pleures et tu t'ennuies. Je pleure et je m'ennuie. Tu pleures et tu t'ennuies. Tes yeux qui déplorent, mes yeux qui implorent. L'amour est mort pour toi, je le sais. Tes yeux qui me cherchent, tes yeux qui s'enfuient. Je pleure et tu t'ennuies. Tu pleures et je m'ennuie. Je pleure et je m'ennuie. Tu pleures et tu t'ennuies. Des yeux qui déplorent, des yeux qui implorent. L'amour est mort pour moi, tu le sais. Des yeux qui me cherchent, des yeux qui s'enfuient. Tu pleures et je m'ennuie. Tu pleures et je m'ennuie. Tu pleures et je m'ennuie. Tu pleures et tu t'ennuies. Maldon, la musique dans la peau, c'est une chanson du groupe guadeloupéen Zouk Machine, disque sorti en 1990. Oh, vous connaissez, vous n'avez pas pu passer à côté. Un grand succès qui est resté numéro 1 au top 50 pendant 9 semaines. Maldon, Zouk Machine. Zaria Evora a été nommée en France chevalier de la Légion d'honneur et c'était en 2009. En septembre 2011, elle décida de mettre fin à sa carrière suite à des problèmes de santé et elle décéda malheureusement en décembre 2011 à la suite d'une insuffisance respiratoire. À 3 jours de deuil national et la République du Cap-Vert donner le nom de Cesaria Evora à l'aéroport de Mindelo. En 2014, le Conseil de Paris donna son nom à une rue dans le 19e arrondissement. Le département de la Seine-Saint-Denis a donné son nom au nouveau collège de Montreuil en 2014. Et puis la chanson la plus célèbre de son répertoire, c'est « Soldade ». Sortie en 1992, cette chanson évoque le travail forcé des Cap-Verdiens par le pouvoir colonialiste portugais dans les plantations de cacao. Le terme « soldade » exprime une tristesse empreinte de nostalgie éprouvée quand une personne se sent dépossédée de son passé. « Soldade » Cesária Évora. Gastronomie au Cap-Vert. Les ingrédients de base sont les haricots secs, les pois secs, le manioc, le poisson et les coquillages. Le plat national, c'est la cachupa, une sorte de ragoût à base de maïs et de haricots noirs, décliné avec des viandes, thon ou légumes, très appréciés le matin, avec des oignons et des œufs au plat. Tiens donc. Par ailleurs, on trouvera à peu près partout le churrasco, viande grillée, souvent du poulet, avec le mérou, le thon, sont les poissons les plus répandus. On peut parfois manger du requin, et couramment de la langouste et autres poulpes et crevettes. D'une manière générale, les plats sont accompagnés de riz, de frites, de salades, d'oignons et de patates douces. Pour les fruits et légumes, la production s'oriente vers les tomates, les concombres, les choux, les pommes, les bananes, les papayes, les goyaves et les mangues. En dessert, on se régalera avec le flan au fromage de chèvre. Et en boisson, à consommer avec modération, le grog. Alors ça s'écrit G-R-O-G-U-E. Le grog, un rhum local qui sera souvent mélangé avec du citron et de la mélasse. Et puis, la production d'un café réputé comme un des meilleurs du monde au Cap-Vert. Beyou Furtado, Assol Garcia, c'est une chanson capverdienne. Furtava beijo, uma coisa que tem, João mal de meu. O Zé que tem, põe a feto, uma coisa que tem, sim, devo te. Ai, o Zé que tem, furtava beijo, uma coisa que tem, João mal de meu. O Zé que tem, põe a feto, uma coisa que tem, sim, devo te. Deixa uma saber que ele furtava. Ai, coisa que tem, furtava beijo, uma coisa que tem, show mal de meu. Coisa que tem, põe a feto, uma coisa que tem, se encrevo o chão. Ai, coisa que tem, furtava beijo, uma coisa que tem, show mal de meu. Coisa que tem, põe a feto, uma coisa que tem, se encrevo o chão. Mas sabe que ele furtar, começa o chega de cota, amor de perto, amor de fronte. Mas se contis, canta negar. Que louco e credo que é tão importante. Ai, coisa que tem, furtava beijo, uma coisa que tem, show mal de meu. Coisa que tem, põe a feto, uma coisa que tem, sim, crevo o teu. Ai, coisa que tem, furtava beijo, uma coisa que tem, show mal de meu. Uma coisa que tem, sim, creio te. Furtava beijo, uma coisa que tem, show mal de meu. O Zé que tem, põe a feto, uma coisa que tem, sim, devo te. Ai, o Zé que tem, furtava beijo, uma coisa que tem, show mal de meu. O Zé que tem, põe a feto, uma coisa que tem, sim, devo te. Deixa uma saber que ele furtar, começa a doce. Amor de longe, cada cota. Amor de perto, amor de fronte. Mas se contis, cata negado. Que louco e credo, cata importado. Coisa que tem, furtava beijo, uma coisa que tem, show mal de meu. Coisa que tem, põe a feto, uma coisa que tem, sim, devo te. Ai, coisa que tem, furtava beijo, uma coisa que tem, show mal de meu. Coisa que tem, põe a feto, uma coisa que tem, sim, crevo teu. Ai, coisa que tem. Lorsque j'ai vu les souliers verts, oh, des souliers verts à talons hauts,

voglio morire. Niente di a stamparato, incompleto come lo perdevo. Oi pascia, maldito tempo che ti scondevo. Na ora che a me mi stevo, per non parlare di non si dà. Maldito ora che ti cica, na dia di nostro incontro, per non matare che saudade. Oi pascia, maldito ora che ti passa no fasci, ora che non stai giunto. Maldito tempo, maldito ora, e liberdade che buca teni, che sta facendo fica sì, ora che non mi stai pulito. Oi pascia, e ora che buciga na mi, con un abbraccio enorme, da recebere un comunhara. Quatre étudiants, les Brothers Four, un groupe américain qui avait vu le jour en 1958, composaient la chanson Greenfield, une chanson très poétique et écologique avant l'heure. Bon, quelques mois après, les compagnons de la chanson entendirent cette chanson, bien sûr, et en reprirent le thème pour nous offrir la version de Verte Campagne, mise en valeur par le timbre exceptionnel de Fred Mella. C'est une adaptation de Raymond Mamoudi et de Roger Varnet, Verte Campagne, les compagnons de la chanson. Verte Campagne, où je suis né, douce compagne de mes jeunes années. La ville pleure et ses larmes de pluie dans sur mon cœur qui s'ennuie. Et moi je rêve de toi, ô mon ami. Cette campagne que tu es loin, douce compagne de mon premier chagrin. Le temps s'efface, pour moi rien n'a changé. De bras m'enlacent parmi les champs de blé. Et moi je rêve de toi, ô mon ami. C'est ainsi que prend fin Patchwork. Alors il me reste à remercier Yves pour la réalisation technique et surtout Antoine qui a tenu les manettes durant toute l'émission. Il a souhaité faire une prolongation. Et ben oui, alors je crois que cette fois c'est la dernière des dernières. Hein, bien. Et si je te donne le choix, tu as vu, tu as travaillé sur deux émissions, La Cerise sur le Canto et Patchwork à l'écoute du monde. Tu préfères plutôt La Cerise sur le Canto, chanson française, ou Patchwork à l'écoute du monde avec ce voyage dans un pays. La Cerise sur le Canto. Et tu préfères La Cerise sur le Canto. Très bien. Eh bien, c'est ton choix. Voilà. Vous pouvez, durant toute la semaine, retrouver le podcast de cette émission en vous rendant sur le site de Radio Pagette. Le prochain Patchwork, eh bien, c'est dans 15 jours. Et dimanche prochain, n'oubliez pas La Cerise sur le Canto. Donc Antoine, tu seras à l'écoute. En attendant, soyez heureux et branchés à l'écoute de Radio Pagette Nancy 94.2 pour les Lorrains et pour les autres Européens. C'est sur le net, pagette.net en ligne. Allez, au revoir.